perds tout contrôle quand tu me fous. Je perds la tête quand tu me guettes. Mais c'est pas rien quand tu me dis viens, je me liquéfie, aucun souci. Et dans mes yeux tu mets le feu, et dans mon cœur c'est le grand jeu. Ensorcelle-moi, délivre-toi. Dans ton sourire, que des soupirs. C'était crucial, promesse fatale. Quand tu me délaisses, c'est le bas qui blesse. Je perds la raison quand tu me dis non. Je suis dans le flou quand tu t'en fous. Je n'y tiens plus, j'y crois même plus. Quand tu me contrôles, moi je m'enrôle. Bourreau des cœurs, c'est que du bonheur. Tu mènes la danse, je m'en balance. Ensorcelle-moi, délivre-toi. Dans ton sourire, que des soupirs. C'était crucial, promesse fatale. Quand tu me délaisses, c'est le bas qui blesse. Tu te fends la porte, vends ton miroir. Je suis ta victime, c'est pas un crime. Mais tu le sais pas, c'est bien mon choix. Sans foi ni loi, je crois en toi. J'ai bien envie de te dire oui. Pour ta gouverne, je tiens les rênes. Ensorcelle-moi, délivre-toi. Dans ton sourire, que des soupirs. C'était crucial,